Ce vendredi à la vie en BD, je ne sais pas si vous avez remarqué au fil des dernières semaines, mais on a un peu mis de côté les critiques commentaires parce que on a choisi de changer un peu notre formule. Et cette semaine, ça va être l'inauguration, le lancement de cette nouvelle formule, notre club de lecture. Si vous nous suivez sur Facebook, vous savez déjà les titres dont on va vous parler. Et par on, j'entends évidemment moi-même Raymond Poirier, mais également mes fiers collaborateurs Marco Duchesne, Édouard Tremblay et Jérôme Vermette. Et pour un premier club de lecture qui aura lieu en deuxième moitié d'émission, on va aller plonger un regard sur la nouvelle Ligne Claire. Donc une sélection de 4 titres que Marco nous a choisis avec moult affection. Alors on va aller vers du Spirou par Émile Bravo, on va aller vers Théodore Poussin, on va aller vers Tyler Cross, on va aller également vers F52 de Chaland, et on va jaser, échanger autour de ces titres que, si vous nous suivez encore une fois sur les médias sociaux, vous avez peut-être déjà pris le temps de lire. Alors, ce sera une thématique à chaque mois différente, mais un club de lecture avec les mêmes collaborateurs qu'on aura l'occasion de découvrir ce soir. Alors, voilà pour la deuxième moitié de l'émission. Et pour la première moitié, on s'en va au Japon en compagnie de Zviane à travers sa BD Zviane au Japon, où justement, elle va au Japon à travers la BD. Alors, c'est du côté des éditions Pow Pow et... Je ressentais un peu la BD comme un café avec Zviane où elle me racontait son voyage. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas l'appeler pour qu'elle me raconte son voyage, mais avec vous également, et qu'on parle donc de cet ouvrage. Alors, ce sera notre première moitié d'émission. Alors, c'est le menu pour cette semaine ici à La Vie en BD sur CKRL. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30, plongé dans la sphère du 9e art, et on le disait d'entrée de jeu, plongé dans la sphère du Japon, à la découverte de ce pays, ma foi, qui mérite d'être découvert et qui a beaucoup d'éléments, justement, fort intrigants. Alors, on plonge là-dedans en compagnie de Zviane, qui est avec nous. Au bout du fil, bonjour! Allô! Alors, Zviane, on va commencer par placer en contexte le nouvel album. Donc, tu as été amené à travers la BD à aller au Japon. Et au fil de ton voyage, dans le fond, tu t'étais mis un peu à publier des photos puis des BD, dans le fond, sur Instagram. Exactement. Alors, j'imagine qu'il y a un plaisir un peu à raconter son voyage et qu'à travers, justement, le biais des médias sociaux, on peut lancer comme ça des propositions puis on a rapidement une rétroaction. Donc, ça crée une dynamique particulière avec son réseau. Oui. Bien, en fait... Excuse-moi, je suis en train de boire un verre d'eau en même temps. Je suis un petit peu malade en ce moment. C'est rare dans la vie que j'ai des données limitées. Puis là, je me promenais avec un cellulaire. Puis, tu sais, un téléphone intelligent, ça faisait juste à peu près un an que j'en avais un. Avant, j'avais un flip. Puis, c'était un peu nouveau pour moi. Puis, en plus, j'étais au Japon. Puis, je sais qu'il y a plein de monde autour de moi qui sont vraiment intéressés par le Japon parce que, tu sais, c'est un pays weird. C'est un peu une kamita de la bande dessinée aussi. Puis, c'est un peu essoufflé. Excuse-moi, j'en viens de dehors. Puis, en fait, là, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure que je filmais des petites affaires sur Instagram, il y a plein de monde qui me disait genre « Ah, c'est super cool! » Mais en plus, les gens, ils me suivaient au bout. Puis en même temps de ça, le soir, j'ai commencé à faire des petites bandes dessinées pour le fun, puis j'y mettais sur Instagram, puis tu sais, ça, j'ai vu que ça intéressait vraiment le monde, mais je faisais vraiment ça pour le fun. J'avais aucune idée que ça allait être un livre plus tard. Et je fais une parenthèse d'ailleurs sur le format Instagram parce que, évidemment, on est habitué avec les blogs BD et le reste, on peut mettre du contenu. On n'a pas tant de limites que ça, que ce soit sur Facebook, sur les blogs, mais sur Instagram, on est quand même limité avec un carré de 800 par 800. Plus précisément, c'est 1080 pixels par 1080 pixels. Mais moi, je trouvais ça vraiment cool parce que je venais d'aller dans un magasin qui était un bazar. Puis j'avais vu plein de petites affaires vraiment pas chères, dont il y avait une section papeterie, puis j'avais pris un carnet, mais un paquet de papier d'origami. C'était juste un format carré, puis là je me suis dit « Ah, Instagram, c'est format carré », fait que je me suis mis à faire les bandes dessinées sur le papier d'origami parce que ça matchait avec le format. Fait que c'est un peu ça l'histoire du format de cette affaire-là. Et en fait, je me souviens en fait que ton blog sur c'était au départ en fait un objet d'expérimentation, donc tu te lançais, tu faisais pas 30 crayonnés avant. Est-ce que c'est un peu le même esprit dans le fond? Tu te lances avec un thème, tu sors tes papiers, puis ok, on dessine, on décline, on voit un peu ce qu'on réussit à faire avec ça. Ben c'est pas mal ça. En fait, quand j'avais un blog, je faisais des crayonnés. Ça a pas l'air là, mais je faisais des crayonnés. J'ai commencé à pas faire des crayonnés il y a pas si longtemps que ça. Puis, en fait, c'est souvent, je pensais pendant toute la journée à de quoi j'allais parler. Genre, ah, j'ai envie de parler de cette affaire-là, de tel thème. Parce que c'est vraiment, ça va par thème. Je suis pas en train de raconter mon voyage, je fais juste raconter des observations par thème. Fait que, mettons, la télé. Puis là, pendant toute, tu sais, j'avais des activités pendant la journée, mais souvent, j'avais des flashs. Je pensais à des affaires. Puis, je les notais dans mon petit cahier. Puis, le soir, avant de me coucher, je sortais mon petit cahier, je checkais mes notes, puis je fais comme, ah, je vais faire ce thème-là. Puis, tu sais, ça me prenait pas plus que une heure et demie. Puis j'avais aussi acheté des nouveaux crayons, une espèce de crayon qui a un petit plein délié dedans. En fait, j'ai switché de crayon en cours de route pour ce crayon-là. On peut le voir un petit peu dans le livre. Oui, en fait, bien, au niveau style graphique, où tu joues un peu des fois avec différents angles, différents cadres, différents crayonnés, effectivement, ça ressort un petit peu. Et où on va te suivre justement par thème comme ça, est-ce que ça vient te forcer aussi un peu à porter un double regard quand tu dis, OK, faut que je raconte des éléments, j'ai envie de partager ça, puis là, on se donne des thématiques ou on se lise des thématiques, ça force un regard particulier dans son voyage, où on entraîne un peu notre regard comme ça? Ben, je ne sais pas si c'est la BD qui faisait ça ou juste le fait de filmer constamment des affaires sur Instagram, parce que j'étais beaucoup plus active sur Instagram en faisant des petites vidéos que vraiment faire de la bande dessinée. Les bandes dessinées, j'en faisais une fois de temps en temps. En tout, je me rappelle plus combien j'en ai faites, mais tu sais, je restais un mois et demi là-bas. Uh-huh. Puis il y a peut-être 10 petites histoires, quelque chose de même. Fait que c'est vraiment plus les vidéos sur Instagram qui m'ont forcé comme à peut-être plus observer les choses. Mais de toute façon, même si j'avais pas eu ça, je pense que ce genre de personne-là, tu sais, moi, quand je vais dans un autre pays, je vais pas vraiment dans un musée, je vais juste me promener sur la rue puis voir comme les affaires du quotidien, ça me fascine vraiment, les autres cultures comme ça, comment ça marche quand on est dans un autre pays puis mais qu'on habite là-bas, tu sais. Oui, puis en fait, bien, tu dis aussi dès le départ, en fait, le Japon a un peu une attraction particulière, c'est déjà un pays qui t'intéressait. T'as décidé d'y aller, puis en plus, ben, on se rend compte un peu sur place à quel point c'est un peu weird, à quel point on est complètement ailleurs par rapport à nous occidentaux, là, si on peut dire. Ben, ailleurs, c'est pas qui, parce qu'en même temps, tu sais, c'est sûr qu'on a plein de points en commun, là, on est des êtres humains, puis tout, fait que il y a un rapport social qui est un peu différent, puis vraiment, je suis pas restée assez longtemps pour vraiment l'avoir compris. Je suis allée là-bas, puis j'ai fait, ah oui, c'est le même, puis là, j'ai cru comprendre, mais tu sais, juste quand je commençais à peut-être comprendre les affaires, je devais repartir. Mm-hmm. Fait qu'il faudrait juste que j'y retourne pour avoir, tu sais, sentir mieux le pouls. Mais j'ai déjà eu comme un premier avant-goût, là, un petit amuse-gueule du Japon, mettons. Oui, puis assez aussi, parce que t'amènes ces questions-là dans certains de tes thèmes où on se dit, ben dans le fond, à quel point nous, on est représentatifs de notre culture, donc à quel point les gens que je croise ou ce que je vois, c'est représentatif de leur culture ou c'est simplement eux comme étant typiquement eux-mêmes qui agissent comme ça, puis c'est pas les Japonais, c'est plus le gars que j'ai rencontré, la fille avec qui j'ai parlé, etc., etc. En effet, mais autrement, il y a une autre affaire que je remarque aussi en voyageant de plus en plus, c'est que quand je voyage puis que je vois d'autres cultures, j'en apprends pas tant sur la culture différente que sur ma propre culture, parce qu'il y a plein d'automatismes qu'on a qu'on se rend compte, on s'en rend pas nécessairement compte. Puis là, quand je suis dans une culture différente où ça marche autrement, c'est là que je me rends compte, ah, chez nous c'est différent, tu sais, fait que j'en apprends limite peut-être plus sur moi-même que sur l'autre culture. Oui, puis en fait, dans une dynamique aussi où, ben en fait, t'es un peu avec toi-même quand même, tu croises plein de gens et le reste, mais quand tu reviens à l'appart... C'est pas mal avec moi-même. Fait que ça force aussi, ça accentue peut-être un peu cette réflexion-là comparativement à tu vas galérer en France de festival en festival. Ouais, mais tu sais, la France, même si là, ça fait un bout de temps que j'y vais, je suis encore en train de découvrir des affaires. Tu sais, c'est infini les affaires qu'on peut découvrir sur une culture différente. Puis là, en plus, le Japon, c'est vraiment, vraiment très différent. Là. Puis tu sais, même la façon de penser, la façon d'écrire, la façon de donner de l'information, l'aspect aussi un peu, j'allais dire infantilisant, mais c'est un petit peu péjoratif, mais tu sais, quand on se promène dans les rues, là, il y a des fast-cute partout, là. Puis tu sais, même quand tu vas t'acheter une maison, tu vas faire un prêt pour la maison, mais tu vois le petit logo cute, puis ces affaires-là, puis c'est vraiment déstabilisant, tu sais. En tout cas, ce genre d'affaires, là. Oui, puis c'est les éléments, j'imagine, mais comme tu le disais, dans le fond, si on est un mois et demi, donc j'imagine après 6 mois, après 2 ans, après 7 ans, tu découvres d'autres éléments, ta relation est différente, mais là, on est vraiment aussi dans le premier contact un peu. Clairement. Puis dans les éléments, dans le fond, qui nous omnubilent, qui nous font un peu, nous font réagir, nous surprennent peut-être, un peu comme justement cette omniprésence du cute. Ouais, disons que ce livre-là, c'est un livre que j'ai fait le soir avant de me coucher. Ça reste quand même une lecture très légère, là. J'ai pas l'impression d'aller dans le fin fond des choses du Japon. Là, ceux qui sont déjà allés, probablement qu'ils vont pas apprendre beaucoup de choses nouvelles. En fait, je m'adresse peut-être un peu plus aux gens qui aimeraient ça y aller puis qui sont jamais allés. Là, peut-être ils vont apprendre une couple d'affaires, mais comme de fait, tu sais, moi j'ai été exposée à la culture japonaise beaucoup par l'entremise, c'est des films, des dessins animés japonais, des mangas, de ces affaires-là. Puis tu sais, toutes les choses que je voyais dans cette culture-là, je l'ai rencontrée au Japon, je l'ai vue, mais il y avait la vibe. C'est ça que j'explique au début du livre, mais je sais pas si j'ai réussi vraiment à l'exprimer comme du monde. C'est que il y a comme une vibe qu'on n'a pas quand on fait juste voir la culture en arrière d'un écran ou en arrière d'une page. Mais quand on est là, quand on est comme on the spot, il y a comme quelque chose supplémentaire qu'il y a, puis ça va beaucoup dans le premier contact aussi. C'est vraiment c'est ça, mon premier contact avec ces cultures-là. Fait que la prochaine étape, ce serait d'aller plus profondément, j'imagine. Et justement, en fait, tu amènes un point intéressant dans l'idée, en fait, de réussir à faire ressentir la vibe. Si je pousse un peu, en fait, l'idée, et j'avais l'impression un peu, le défi peut-être, c'est de communiquer l'enthousiasme, la curiosité. On est dans les vocations, dans le fond. Exemple, le rayon des bonbons à l'épicerie, qui est hallucinant. Tu nous le montres pas, on n'a pas de photo. Et si on te suivait sur Instagram, on l'a, mais si on a juste le livre, on n'a pas cette photo-là. On est dans les vocations de l'émerveillement, si on peut dire. Ouais, j'ai pas vraiment le choix parce que c'est de même le médium, là, mais okay. En tout cas, oui, qu'est-ce que ça allait dire? J'allais dire, je sais pas, est-ce que ça devient un peu un défi de réussir à bien nous rendre ça ou à bien transposer un peu le regard que tu portes sur ces éléments-là pour... J'ai l'impression que c'est impossible, pour vrai, là, de transmettre la vague, parce que ça revient exactement au même que quand je vois un écran avec un film japonais ou un dessin animé japonais, tu sais, c'est moi-même qui prends le crayon et qui essaie de transmettre la vibe. J'imagine qu'il y a quelque chose qui passe, mais si vous allez en vrai au Japon, vous allez vous rendre compte que c'est différent. Tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est plus, j'imagine, pour attiser la curiosité ou comme juste pour exprimer les affaires que j'ai vues puis qui m'étonnaient. Puis éventuellement, je pense que ça a donné beaucoup envie au monde autour de moi d'aller au Japon. Là. Les gens ils m'en ont parlé pas mal après. Fait que c'est ça peut faire un rapprochement entre ces deux cultures-là, si ça peut mettre un jalon dans cette direction-là, ben tant mieux. À la limite, en fait, la façon que j'avais presque envie de le décrire, ce bouquin-là, c'était un peu comme si on prenait un café à distance avec toi, puis tu nous racontais ton voyage, des trucs, puis c'est un peu sur ce ton-là aussi, justement, très amical avec le lecteur, on est un peu dans le ton de la confidence, tu nous racontes ça à nous, entre guillemets. Oui, mais en même temps, je raconte pas des événements qui me sont arrivés, vraiment. Non, je raconte juste ce que j'observe. Exact. Ça, je l'ai fait dans la jungle 4. T'sais, j'ai une revue que je fais moi-même auto-publiée. Puis mon but, en fait, c'était pas du tout de faire un livre avec mon affaire au Japon. C'était de revenir du Japon, puis ensuite écrire des affaires qui me sont arrivées, puis de faire ma revue là-dessus. Fait que il y a comme deux livres en ce moment qui portent sur le Japon. Il y a ce livre-là qui est comme beaucoup mieux distribué, puis qui porte sur juste des petites observations. Mais les choses qui me sont arrivées, puis les choses un peu plus profondes, puis plus personnelles, ça se ramasse dans le quatrième numéro de ma revue. Donc, ça te permet de développer les deux éléments, mais pas faire une trop grande rupture de ton, dans le fond, entre les deux, d'avoir un type d'émotion, un type d'ambiance, un type de récit d'un côté, puis de l'autre côté, on est plus dans l'impressionniste, les anecdotes thématiques, si on peut dire. Moi, c'est ça. Mais en fait, tu parles de rupture de ton. Je pense que la jungle, au complet, c'est une rupture de ton. Là, il y a des ruptures de ton à chaque 5 pages. Mais le livre chez Pantas, vient au Japon, il est beaucoup plus uniforme. Oui, ben en fait, à travers justement les éléments plus justement thématiques, t'insères quand même aussi quelques pages où là, on voit plus du sketching, des images plus réalistes, dans le fond. Oui, mais en fait, quand je suis allée là-bas, je suis allée avec un petit carnet, puis il y a une couple de fois où est-ce que je me suis assise à des places, puis j'ai commencé à dessiner. À la base, c'était vraiment comme juste pour le plaisir, je comptais pas faire un livre avec ça. Puis quand Luc m'a approché pour faire le livre de Zian au Japon, il m'a dit « Ah, on pourrait rajouter une couple de tes petits dessins de carnet », puis là, j'ai ressorti mon carnet. J'ai surtout fait des portraits de visage, par exemple, puis on les voit pas toutes, il y en a une couple, là, mais à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, j'essayais de faire... le portrait de son visage. Fait que j'avais beaucoup de visages de japonais, mais j'avais aussi le Shibuya Crossing, là, l'espèce de grosse place où il y a 2000 personnes qui traversent la rue à chaque fois. Là. Je m'étais acheté un banc portatif. Je l'avais mis sur un coin de rue, puis pendant 3 heures, j'avais dessiné le dessin qui se retrouve, l'espèce de spread qui se retrouve dans le livre. Puis c'était cool parce que, en tout cas, là, en ce moment, je voyage de plus en plus. Puis d'ailleurs, demain, je m'en vais à Alger, puis je vais me traîner un carnet de dessin parce que je me rends compte que peu importe le pays dans lequel je suis, puis peu importe si je parle la langue ou pas, il y a toujours du monde qui vient me voir pour me jaser. Quand j'étais au Japon, j'étais assis, je faisais mon dessin, puis il y a du monde qui venait me parler en japonais, puis je leur disais, ben je comprends pas, mais tu sais, ils étaient super contents, puis ils me disaient, very good, very good. Et c'est vraiment le fun. Il y a un gars qui s'est assis avec moi, puis il m'a raconté dans un anglais approximatif qu'il avait bien hâte d'aller en Italie. Puis là, j'étais comme, ah ben oui, c'est le fun, l'Italie. Puis, tu sais, c'est le fun, dessiner, puis commencer à jaser à des gens. Moi, je suis capable de jaser et dessiner en même temps. Là. Oui, puis c'est pas la même dynamique qu'avec la photo, justement, où on dirait qu'il y a le filtre entre toi et ce que tu observes à travers le dessin, mais dans le fond, t'es en action dans ton environnement. Donc, il y en a qui perçoivent, j'imagine, ça un peu plus, justement, comme une invitation à au moins aller voir Eric, qu'est-ce qu'il est en train de dessiner, puis d'ouvrir, comme tu dis, vers une conversation, vers un échange, vers quelque chose qui pourrait déboucher sur une conversation plus longue ou autre. Peut-être, mais en même temps, tu sais, c'est aussi juste que la photo, tu sais, clac, c'est fini, ouais. Là, tandis que le dessin, mais j'étais là pendant 3 heures. Puis ça impressionne beaucoup le monde, le dessin. C'est un peu un pouvoir magique, là. Si jamais vous dessinez, là, puis si vous voulez, entre guillemets, attirer l'attention, là, tu sais, les gens qui regardent un dessin, tu sais, juste le fait de mettre beaucoup de détails, même si le dessin est un peu raté, même si c'est un peu tout croche, le fait de représenter qu'est-ce qu'on voit sur un papier, ça impressionne beaucoup le monde. Et à l'intérieur de Zian au Japon, tu as choisi de manière générale donc d'intégrer ces éléments-là, donc qui sont plus réalistes, donc tu as ton style blog aussi, dessin croquis, qu'on connaît peut-être un petit peu plus. Et en parallèle, t'as pas intégré, justement, je le disais tantôt, au niveau photographique, à l'exception, dans le fond, de ta section sur le langage, sur l'orthographe japonaise, où là, on a été chercher un peu de visuel externe. Oui, j'étais pas mal obsédée par tout ce qui était publication papier, là, parce qu'il y a plein de flyers, il y a plein de circulaires qu'on peut pogner, puis le graphisme japonais est assez particulier, là, même dans les publications un peu cheap, là, c'était comme un espèce de pamphlet pour une compagnie d'assurance. Il y avait tout le temps des petits dessins et des petites affaires. Fait qu'à un moment donné, j'étais juste obsédée par ça. J'en avais plein. Puis quand j'ai fait ma note sur l'écriture, mais je me suis mis à découper dedans pour chercher des katakana, des hiragana pour montrer dans le fond, de manière plus concrète, qu'est-ce que je voulais dire quand je parlais d'écriture. Oui, puis surtout, en fait, tu nous dis justement, ils sont difficiles à dessiner. Si on est dans le détail, bien, on arrive à comprendre un peu mieux peut-être aussi cet élément-là. Donc, ça devenait nécessaire d'intégrer cet autre médium-là pour bien expliciter ce que tu voulais nous expliquer. Bien, c'est surtout aussi que je suis pas capable moi-même de faire l'écriture japonaise. C'est super dur quand on n'est pas japonais. Fait que je me suis dit, je vais prendre quelque chose qui existe déjà. Comme ça, c'est sûr que je vais être sacoche. Et la liste de tes thématiques, de tes éléments que tu avais envie de raconter, ça se garnissait au jour le jour. Est-ce que tu as réussi à traiter un peu tout ce que tu aurais envie de traiter au premier regard? Ben, vraiment pas, là. Il y a beaucoup d'affaires que je m'étais dit, ça, je vais faire une note dessus, mais j'ai fait mes notes de mes petites BD juste quand j'étais à Kyoto. Je suis restée là un mois, puis ensuite, quand j'ai bougé à Tokyo, oublie ça, là, j'avais pas le temps de dessiner, là. J'étais juste tout le temps en train de bouger à gauche puis à droite. Fait que les bandes dessinées, j'avais une couple de thèmes que finalement j'ai pas fini par faire, là, mais entre autres, il y avait un thème sur la musique classique. Parce que, comme vous le savez très bien, je suis très, très fan de musique classique depuis un bout de temps, puis je suis pas mal obsédée par ça. Puis je me suis rendu compte que c'était vraiment présent dans la culture japonaise, tu sais. À la télé, quand il y avait des spots publicitaires, quand il y avait des spots aussi dans le téléjournal ou je sais pas trop quoi, des chroniques. Quand je me promenais, quand je faisais mon épicerie aussi, il y avait comme une espèce de danse hongroise de Brahms avec un beat en arrière, tu sais. La musique classique européenne était quand même étonnamment vraiment présente. Puis quand je me suis mis à écouter la musique pop, il y avait comme des directions harmoniques, des choix d'accords qui faisaient un petit peu musique européenne. Puis je me suis dit, ah, tu sais, j'avais pas remarqué ça. Puis maintenant, je suis un petit peu plus sensible à ça quand j'écoute la musique japonaise de voir c'est quoi l'influence de la musique classique européenne. En tout cas, je l'ai plus entendu au Japon qu'ici, mettons, en Amérique du Nord. Et il faut dire, en fait, puis d'ailleurs, un des chapitres qui de mon côté, m'a vraiment happé côté anecdotique, parce qu'on est beaucoup dans les sens, évidemment, à travers ça, mais tout ton chapitre sur le bruit, qui est omniprésent au Japon, c'est pas évident à rendre en BD, puis de B, c'est assez surprenant, assez étonnant de vivre un peu dans cette surabondance sonore-là. Ben, on n'est juste pas habitués, là. Eux autres, ils ont l'air habitués, fait que... Tu sais, c'est drôle parce que même je raconte dans le livre que les voitures d'urgence, genre les pompiers ou les ambulances, en ce moment, ils ont des sirènes, mais il y a aussi du monde qui parle. Ils disent « Tassez-vous, s'il vous plaît! » Puis J'en avais parlé un petit peu parce que c'est le fun là-bas. J'étais en contact avec Yuki Kuyama, qui est l'attaché culturel de la délégation du Québec. La délégation du Québec à Tokyo. Elle était vraiment cool, cette fille-là, puis elle me donnait beaucoup de cues sur tout ce qui était culture, puis elle me disait, elle, que c'était vraiment infernal pendant les élections. Parce que pendant les élections, ils ont des gros chars qui crient, genre, votez pour nous. Je sais pas exactement c'est quoi qu'ils disent, là, mais c'est constant, là, le bruit. Non seulement il y a tout le temps du bruit, mais là, en plus, pendant les élections, ils gueulent, genre, le nom des candidats à l'élection. En tout cas, je serais curieuse d'y aller juste pour voir de quoi ça a l'air, là. Oui, puis en fait, ou juste l'idée, puis ton avatar le signale aussi dans le livre de travailler dans un magasin où t'as la trame sonore, la musique, les bruits des outils qu'ils vendent, etc. C'est comme t'as dit, ça demande un certain entraînement, à tout le moins. Ouais, ben j'imagine qu'on finit par s'habituer, là, mais moi je me suis pas habituée là-bas, là. J'étais comme oh my god. Mais ça, c'est je pense que c'est un petit peu l'Asie qui est comme ça. J'ai pas été beaucoup en Asie, je vais t'avouer, là, mais j'avais vu un petit peu. En tout cas, j'ai entendu dire que l'Inde, c'était vraiment, vraiment super bruyant aussi. Là. Et c'est ces éléments-là, justement, puis ça revient un peu à ce que tu disais au départ, c'est d'y aller un peu avec ce qui frappe au premier regard. Et pour ceux qui sont pas allés, ben ça donne une idée de ça à quoi on peut être confronté. J'imagine que ceux qui y vont, puis ça tu pourras confirmer au fil des années à venir, mais qui vont voir soit d'un regard amusé ou intéressé en disant, ben oui, aussi, mes premières semaines, c'était un peu ça qui flashait et le reste. Donc, d'aller, j'imagine, instinctivement, justement, dans ce choix-là pour... refléter un peu véritablement l'expérience ou l'esprit de l'expérience que tu as vécu là-bas dans ton mois et demi. Ouais, ben j'ai eu beaucoup de chance aussi, ben de chance, c'est un peu moi qui l'avais choisi là, parce que je suis juste restée à un endroit. Puis souvent quand on voyage, tu sais, on veut voir le plus d'affaires possible, fait qu'on bouge beaucoup. Mais ces derniers temps quand je voyage, des fois mettons là demain je m'en vais au festival de BD d'Alger. Donc je vais peut-être me traîner un carnet puis je vais faire des bande dessinée peut-être, je sais pas encore, mais je souhaitais vraiment, j'ai rallongé mon voyage d'une semaine, puis je voulais rester vraiment à un seul endroit pour vraiment, comme tu sais, comme je disais tantôt, prendre le pouls de l'endroit. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris en France, en fait, quand j'ai fait ma résidence en Angoulême. C'est que si je bouge beaucoup, je me fais moins d'amis, entre guillemets, j'ai moins de contacts sociaux avec comme toujours la même personne, que ce soit... le gars du dépanneur ou, tu sais, pas nécessairement des amis amis, là. Mais si c'est toujours la même personne, il y a une petite routine qui s'installe, il y a quelque chose qui s'installe, puis je sais pas, j'ai l'impression que je peux plus sentir qu'est-ce qui se passe dans cette ville-là de manière plus quotidienne. Oui, ben en fait, sauter de ville en ville en 2-3 jours, on va voir ce qu'il y a, mais on vit pas la ville, en fait, je pense. Ouais, puis même un mois, c'est vraiment court, là. Moi, idéalement, je resterais 3 mois, là. 3 mois, c'est un minimum, j'ai l'impression. Alors, fait, s'il y en a qui veulent commanditer une version 2 de Zion au Japon, qui nous écoutent, ben, il y a peut-être une opportunité. au Japon ou n'importe où, hein. Si vous voulez m'envoyer à quelque part, là, écrivez-moi, il n'y a pas de problème. Et Zion au Japon, on le disait, qui est disponible donc côté librairie par le biais des éditions Pow Pow. Également la Jungle 4, ça, est-ce que c'est déjà sorti? Oui, il est sorti en mai dernier. Il m'en reste une couple. Je vais en sortir pour exposer à Montréal. Pour Québec, ça va être plus probablement l'année prochaine quand je vais venir au Festival de BD de Québec. Et sinon, par le biais de ton site web peut-être? Oui, vous pouvez m'écrire. J'en envoie par la poste. Ça va me faire plaisir. Alors, ben, les invitations sont lancées. Zion, merci. Merci beaucoup à toi. À la prochaine. À la prochaine. Bye. Bye. Alors voilà, c'était Zion qui était avec nous, vous l'avez compris, pour parler de cet album Zion au Japon, qui est disponible, je le rappelle, du côté des éditions Pow Pow. Alors on écoute un petit extrait d'Anti Pizza Boy avec un extrait donc, qui s'appelle Mankan Shoku. Alors, on est toujours dans la 8-bit, mais 8-bit peut-être un peu plus agressive. À l'occasion, en fait, j'aime bien de temps à autre tomber sur du Anti-Pizza Boy. Et on plonge maintenant dans la deuxième moitié de cette émission. Alors, je le disais d'entrée de jeu, donc nouveau concept qu'on vous propose ici à la vie en BD. On avait envie d'aller voir, d'aller explorer des titres de bande dessinée. Et par on, j'entends le club de lecture de la vie en BD, dont j'ai le plaisir évidemment de faire partie, mais surtout dont mes trois collaborateurs qui vont m'accompagner dans cette exploration, font partie également. Alors, je les salue d'entrée de jeu. Édouard Tremblay, bonjour. Bonjour Raymond, bonjour tes auditeurs. Marco Duchesne, bonjour. Salut. Et Jérôme Vermette, bonjour. Salut bien. Alors, le concept du club de lecture est simple. On est quatre. Donc, une fois par mois, il y en a un de nous quatre qui propose une thématique. Et à partir de cette thématique, qui nous fait aussi une sélection de quatre albums. Ensuite, on a comme mandat de lire ces albums. On vous les partage également sur Facebook. Donc, ces titres, si jamais vous voulez les lire, vous aussi, avant la discussion. Donc là, on les a partagés en début de semaine. Et on revient. Donc, on prend une petite demi-heure donc pour jaser de ces quatre titres-là. Et cette semaine, pour l'inaugural, c'est Marco Duchesne qui a accepté de plonger. Ben oui, j'avais une forte... participer à ce club de lecture est vraiment une joie en soi. Là. C'est vraiment un privilège de faire partie de votre club de lecture et de ton émission, Raymond. Et j'ai comme insisté aussi, hein, je pense que je vous ai pas laissé le choix. Je veux commencer, puis moi, je vais commencer avec un genre en BD que j'affectionne particulièrement. En fait, ce genre-là, c'est ce qui m'a amené à la BD, à développer mes goûts, mes intérêts en BD, avec mon premier amour en BD, en fait, qui est Hergé. Alors, j'avais le goût de vous le faire partager dans ce premier coup d'envoi pour le club de BD. Donc, La Ligne Claire. La Ligne Claire est un courant qui découle de ce que Hergé a établi comme bande dessinée, comme genre en bande dessinée. La Ligne Claire, pour une définition rapide, là, comme je la connaissais, mais j'ai été chercher la définition telle qu'on la conçoit, telle que Schwartz, un auteur de 1977, lors d'une exposition sur Hergé, a défini qu'est-ce qu'était le genre que faisait Hergé. Alors, La Ligne Claire se définit par un trait d'encre noire d'épaisseur constante, c'est-à-dire autour des personnages, et le trait est un peu plus épais et très noir. Et la constance est importante. Oui. Et chaque élément forme, évidemment, c'est isolé, chaque élément, les personnages, les décors, et à l'intérieur, il y a les couleurs qui sont sans dégrader. Alors, il est toujours midi chez Hergé, et les couleurs sont toujours brutes, franches. Donc, Hergé n'a pas créé ce genre-là. Hergé a fait de la BD de cette façon-là. C'est qu'on lui a attribué ce nom-là, donc La Ligne Claire. Mais il y a tout un courant qui en a découlé dans les années 90, et encore aujourd'hui, on retrouve la BD. En fait, je te dirais même, Marco, si je pousse un peu, souvent, la première idée, quelqu'un qui lit pas beaucoup de bandes dessinées, l'idée qui se fait de la BD, c'est La Ligne Claire. Et voilà. Ce qui fait que j'ai choisi quatre albums qui représentent un peu quatre pierres angulaires de La Ligne Claire jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la mort de Hergé jusqu'à aujourd'hui. J'ai quatre choix. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi je les ai choisis, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. Oui, parce que je fais une parenthèse, en fait. Donc, Marco nous a choisi quatre titres. Ces quatre titres que peut-être on avait déjà lu, peut-être pas. On a pu découvrir aussi des titres cette fois-ci. Et on sait, tu ne sais pas l'appréciation qu'on a eue non, de tes propositions. Même avec Édouard, on travaille ensemble, mais on s'en est pas beaucoup parlé. Il n'est pas parlable, de toute façon, à travailler avec lui. Mais on s'en est pas beaucoup parlé. Donc, ce soir, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. Non seulement des albums dont je vous ai fait lire, je vous ai mentionné pour que vous les lisiez, mais aussi de savoir vos commentaires sur ce genre-là. Donc, brièvement, donc Yves Chaland, auteur des années 80-90, qui a été des premières de Métal Hurlant, la revue, qui a adopté au début La Ligne Claire pour la parodier, pour en faire des parodies, mais à un moment donné, il s'est pris au jeu et il a conservé ce genre-là, il l'a développé. Il a même créé un personnage qui s'appelle Freddy Lombard. Si on regarde comme il faut Freddy Lombard, il a une petite houppe avec blonde sur la tête. Il est accompagné de deux amis, une femme et un homme, Chouette pour le gars et Dina pour la femme. Et ils vivent des aventures. Ils ont vécu des aventures pendant 4 albums à peu près. Ce que je vous ai proposé, c'est F52, qui est le dernier tome de la série Freddy Lombard, parce qu'après ça, Yves Chaland est mort d'un accident tragique de la route. Alors, F52, pourquoi je l'ai choisi? Parce que, à la mort de Yves Chaland, F52 annonce un nouveau pas dans la ligne claire, dans la façon de faire avancer la BD dans ce genre-là. Pourquoi? Parce que sa façon de raconter sa narration et le dessin et la façon de faire les cases a pris de l'ampleur et est beaucoup plus souple que ce qu'on peut voir dans Tintin. Et deuxièmement, la ligne claire, c'est pas seulement que le dessin ni la narration, c'est aussi le scénario. Pour ce qui est du scénario, Hergé a toujours dit il faut que ça soit lisible. Donc, lisibilité. Ici, curieusement, dans F52, ça aussi, ça annonce une modernité. Le scénario prend des drôles de tournants, même qu'il y a des scénarios parallèles. En tout cas, vous m'en parlerez. Bref, je l'ai choisi parce que celui-là laissait annoncer une nouvelle approche de la ligne claire. Deuxième album que j'ai choisi... Est-ce que tu veux qu'on revienne un peu sur le premier? Je vais vous donner les quatre rapidement. Okay. Théodore Poussin, parce que je considère que Théodore Poussin est le Tintin pour adultes, né dans le journal Spirou. Le premier album que je vous ai fait lire, c'est le premier de la série. Le dessin est un peu plus proche de l'école de Maricel, c'est-à-dire l'école de franco-belge, Spirou, Gaston Lagaffe, est un peu plus proche de ça, mais je vous rassure qu'à lire les prochains tomes, vous allez voir que le dessin se bonifie, devient un peu plus rigoureux, les décors et tout. Donc, mais ici, ce qui me... Mais ça reste quand même au niveau du dessin, de la narration, c'est ligne claire, standard. Sauf que le scénario ici, chez Théodore Poussin, et là, la grande modernité, c'est le héros qui subit l'aventure. Et l'aventure, il ne court pas l'aventure. Théodore Poussin va être garoché dans l'aventure grâce à un autre personnage qui s'appelle Monsieur Novembre, qui est un personnage extraordinaire. Troisième album. Émile Bravo, lui, s'est mis à faire de la ligne claire pour raconter des histoires. Il a une série qui s'appelait, entre autres, les épatantes aventures de Monsieur Jules, de Jules. Jules, qui est un petit garçon qui vit des... qui est dans un style très ligne claire, très proche de ce qui se fait dans Spirou, très proche de Tintin. Lui, très moderne, le petit garçon va être envoyé dans l'espace sauver le monde et tout, là, et bref. Et on a demandé un jour à Émile Bravo d'adapter Spirou. Alors, je l'ai choisi parce que non seulement il avec son dessin, le genre ligne claire, il décide d'adapter Spirou et Fantasio qui de cette époque-là, mais en plus, il place Spirou en 1939. La date est bien établie. On est à la veille de l'invasion nazie à Paris. Et on y présente Spirou et tout le reste. Alors, si vous vous rappelez bien, à cette époque-là, les années 90, presque 2000, de l'adaptation de cette adaptation d'Émile Bravo, on ne parle plus de ligne claire, on parle de vintage. Le mot est à la mode et on l'applique, d'où la disparition un peu du style ligne claire. Et mon quatrième choix, et ça c'est intéressant car c'est Tyler Cross, le tome 1, le premier album qui est paru chez Dargo il y a quelques années, 3 ans à peu près. 2013 je crois le premier. Voilà. En fait, ouais. Alors je l'ai choisi parce que un jour, les gens qui me connaissent savent à quel point j'aime la ligne claire, j'en parle et tout ça. Et un jour, on reçoit le premier album de Tyler Cross et on en discute, moi et Édouard. Et à un moment donné, Édouard, je l'observe servir un client, parler de Tyler Cross et il colle le mot « ligne claire » à côté de l'album. Dans ma tête, ça fait tilt au début, mais je suis retourné voir. Et c'est là que je me suis dit « Ah, c'est pas fou. Mais pourquoi? » Et c'est là que Édouard va essayer de nous convaincre. Donc, ça, c'est mes choix et pourquoi je les ai choisis. Donc, à vous, messieurs. Je regarde les collègues, Édouard, Jérôme. Mais peut-être, en fait, déjà, tu avais ouvert la porte un peu à Édouard sur Tyler Cress. J'aurais peut-être envie de te lancer là-dessus. Ben, allons-y déjà avec lui. Hein. Je pense que bon, ceux qui me connaissent, de toute façon, savent mon amour invétéré de Tyler Cross. C'est du reste, pour ma part, la série qui, justement, m'a un peu... J'aurais dire presque réconcilié avec la ligne claire, parce que justement, bon, au contraire de Marco, disons, j'avais une approche graphique un peu différente. C'est sûr que quand on lit un peu, bon, sur la ligne claire, au-delà même du dessin, bon, on pense par exemple à la ligne claire, justement, on parlait des couleurs en aplat, donc évidemment, Tyler Cross, on a ces couleurs-là, mais aussi une maîtrise, une introduction de l'ombre qui est magnifiquement travaillée par Bruno, là, mais d'une qualité qui est incomparable et qu'on retrouvait déjà notamment dans Atargul, ouais, également. Il y a de l'ambiance album. Très fort dans cet album-là. Épouvantablement forte. Et bon, reste que même si j'ai pas, de prime abord, un grand fan de Ligne Claire, évidemment, comme tous les bons fans de BD, hein, j'ai grandi avec Tintin, j'ai une admiration sans borne pour Tintin, pour Hergé. Et je me disais, mais j'ai l'impression, par la redéfinition des formes, justement, des corps, des visages, du traitement même, parce que bon, Tyler Cross, on s'entend que c'est un anti-héros qui, à mon avis, est assez loin du héros, disons, traditionnel de la ligne claire, cette espèce de jeune homme un peu naïf ou cet érudit à la Blake et Mortimer. Ici, on est complètement ailleurs. Là, on est dans vraiment un anti-héros. Je veux dire, oui, Tyler Cross, on aime le suivre, mais on ne l'apprécie pas comme être humain. C'est pas un bon être humain. Et je pense que c'est tout cela qui, en fait, se mettant ensemble, moi, me donnait l'idée vraiment d'une continuité dans la rupture. Parce que le terme est peut-être un peu éculé, mais c'est vraiment l'impression que j'avais avec Tyler Cross. En fait, quand j'ai fait mes devoirs, c'est-à-dire Édouard a mentionné Ligne Claire pour cet album-là, j'ai fait mes devoirs, puis effectivement, Bruno, c'est pas ses premiers essais. Ce qui fait que, si on regarde un peu ce qu'il avait fait avant, je me rappelle de Nemo, une série chez très étrange à l'époque, avant de tomber chez Glénat, très étrange, faisait de la BD un peu particulière, et Bruno avait adapté 20 milieux sous les mers, et il avait appelé ça Nemo. Oui, tout à fait. Mais là, son dessin était à plat. Et là, effectivement. Et c'est là où il s'inscrit. Alors, cette nouvelle... En fait, là, à mon avis, et Édouard a vraiment mis le doigt, c'est l'évolution de la ligne claire, mais en passant par l'évolution de Bruno lui-même. Mm-hmm. Si, et au scénario, et c'est pas fou, parce qu'au scénario, le scénario de Tyler Cross, le premier, est beaucoup plus... est beaucoup plus rigoureux au niveau du scénario du roman noir des années 40. Sous un aspect un peu chaotique, où se pointent des espèces de situations un peu dangereuses et tout, mais il vient un truc avec un scénario d'une clarté limpide, comme se faisaient les romans noirs des années 40 avec Chandler, avec Hammett, avec tout ça. Et ça a toujours été la lisibilité. Jérôme? Ça, c'est vraiment génial au niveau du scénario, cet album-là. Là. En plus de ça, les points de vue qui se partagent, on revoit la même scène à un moment donné, tu changes de point de vue, là, t'es dans la tête d'un personnage, mais c'est jamais lui qui parle. Contrairement, mettons, au roman noir, où c'est le personnage qui parle, là, c'est toujours un omnipotent qui est au-dessus de lui. Là. Même le serpent, à un moment donné, hein, il y a un serpent comme personnage, il devient un personnage, on voit la scène de son point de vue de prédateur, c'est tout à fait sublime. Les personnages qui sont très au niveau moral là-dedans, mon Dieu, d'un style douteur, point tel que t'as... Gris, ouais, hein, en fait, il y en a certains qui sont pas gris du tout. Là, la famille Prague, c'est assez clair. Non, là, non, oui, alors oui, que Tyler Cross a presque l'air d'un héros à côté de deux autres, ouais, justement. Là, raison, ouais, puis, en fait, on a l'impression d'être dans un genre de Tarantino où l'action est plus importante que le dialogue, là, mettons. Là, mais je pense que justement, le cinéaste n'aurait pas craché sur ce genre d'histoire-là. Là, tout à fait. Oui, puis en même temps, on n'a pas besoin non plus justement d'éclater le mésame. Il y a quelque chose de cinématographique dans cette BD-là où tu passes avec une souplesse, en fait, d'un contexte à l'autre, d'une case à l'autre, d'une page à l'autre. Puis des fois, ce qui me bloque un peu dans certains styles trop traditionnels, c'est un peu le côté des fois un peu... justement, on file pas facilement, dans le fond. Rigide. Rigide, oui, ah, voilà. Ouais. Puis il n'y a aucune rigidité dans Tyler Cross. Et dans les trois albums, hein, désolé Marco, mais moi, je le disais un peu hors d'onde, Tyler Cross, je pense qu'on pourrait adapter ça à l'écran et il y aurait un travail vraiment minimal à faire justement de par ce cadrage. Tu n'as même pas besoin de l'adapter. En fait, je ne sais pas si tu as vu La Jetée de Chris Marker, ouais. Mais dans le fond, l'idée d'un roman photo où tu lis le texte, on pourrait littéralement faire ça avec Tyler Cross. Cases, tu fais un film avec ça, puis ça marche. Son dernier, Lucky Miami, là, c'est je veux dire, il manque juste la trame sonore. Ouais, c'est pas prêt. Au niveau de la séquence, c'est génial, Tyler Cross, c'est clair. Le plus drôle, c'est que le 1 est d'une grande rigueur. Si on regarde le 3e, là, tu sais, Miami, c'est du cinéma, là. Effectivement, comme tu expliquais, là. Mais le premier, si on revient, là, en un flashback, là, ah ben là, ça garde l'espèce de rigueur de la bande dessinée. C'est ça qui est... Et moi, avec le, comme je l'ai relu et tout, là, maintenant, c'est évident que pour moi, Bruno est l'aboutissement de la ligne claire jusqu'à aujourd'hui, là, de ces quatre-là. Tu sais, on parle du dessin, le scénariste là-dedans reste un héros aussi, d'une certaine manière, parce que Tyler Cross, les deux sont parfaits. Scénario comme la... Et même, parce que c'est ça, on parle de nouvelles lignes claires. Est-ce que le Émile Bravo, bon, le journal d'un ingénu, son Spirou, c'est quand même pas sorti très longtemps avant. On parle de 2008. Mmh. Mais je sais pas, entre les deux, j'ai vraiment senti, bon, Émile Bravo, on sent, disons, plus une volonté un peu d'hommage à quelque part. Je veux dire, même les clins d'œil qu'il va faire à Tintin. Émile Bravo, ce qu'il fait avec Journal d'un ingénieux, moi, je l'ai plus lu comme je vais copier un peu le style de l'époque où l'histoire se passe. Ouais, voilà. Avec l'idée de Bravo, c'est qu'il avait déjà adopté ce style-là pour une série jeunesse qui cadrait bien avec le public, aller chercher le public du journal Spirou et tout. Avec Spirou, alors c'est de garder tout ça, mais de garder ce style de dessin-là, de la ligne claire, rigoureuse, rentre dans le contexte de l'histoire. Mmh. Et là, c'est OK, je garde l'histoire et je le mets à l'époque de... Comme ça, on va avoir l'impression comme de... Comme si c'était publié à l'époque. On n'a pas le choix. De toute façon, c'est l'esprit de la collection. Voilà. C'est vu par. Donc, nécessairement, avec le Bravo au journal d'un ingénu, il a gardé son style. Il y a un côté hommage. Ouais. On n'a pas le choix. C'est la collection qui l'appelle. Mais je pense même qu'au-delà de ça, bon, c'est peut-être moi qui me suis amusé à extrapoler, mais quand on lit un peu, bon, par exemple, sur le contexte de production d'Hergé, ben évidemment, quand on est arrivé à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas pour rien que les albums de Hergé sortaient d'Europe parce qu'il y avait l'occupation en Belgique, parce qu'il y avait il y en a qui sont allés jusqu'à reprocher à Hergé de pas s'être prononcé contre l'occupation, contre le mouvement nazi. Quand on est un simple BDS, c'est autre chose, donc à mon avis rentrer dans la résistance, mais sans tomber dans tout ça, je pense que, en tout cas moi ce qui m'a frappé, c'est que je me suis dit mon Dieu, on dirait que Bravo a fait l'album qu'Hergé aurait peut-être voulu faire pour montrer ce qui se passait dans son pays, pour montrer, parce que la finesse aussi de comment, oui, bon, on a des pages politiques, mais pensez juste aux séquences au début quand Spirou joue au soccer avec les jeunes enfants, et puis il y en a un qui traite l'autre de facho, l'autre qui traite l'autre de communiste. Je veux dire, il nous présente toute l'ambiance du temps, tout là, mais c'est un album d'une grande subtilité, honnêtement, et d'une grande poésie également. La jeune fille qui vient de ça, d'Ukraine. C'est un peu l'éveil d'une conscience politique. En fait, c'est une conscientisation qu'on nous explique, puis dans un contexte où, dans le fond, finalement, même si on essaie peut-être de rester extérieur à la sociopolitique de notre pays, ben si à un moment donné il y a quelque chose qui se passe, on réussira pas à être neutre à l'intérieur de ça. Éventuellement, on aura l'obligation presque de s'éveiller puis de se positionner comme Spirou le fait dans cet album-là. Sans oublier que dans la plupart des manuels d'histoire, on ne précise pas que les écureuils étaient derrière tout ça. Mais un punch unique à Émile Bravo, quand même. S'il y a à résumer l'évolution de la ligne claire, à mon avis, c'est le mot décalage. Car si Hergé avait adopté ce genre de dessin-là pour des aventures qui se lisent pour des enfants de 7 ou des adultes de 77 ans, et d'essayer d'être universel et d'être lisible, l'évolution de la ligne claire se fait au niveau du décalage que Chaland fait avec F-52, avec le petit Albert. Le jeune Albert était un il racontait l'histoire d'un gamin de Bruxelles dans les années 50, à un petit voyou et tout. Alors, ce dessin-là, il racontait des trucs un peu irrévérencieux, un peu qui vient brasser. Bravo, c'est ça, là. Soit dit en passant, Chaland, le F-52, pour moi, c'est une surprise, là. Et je t'en remercie, Marco, puis je te l'avais déjà dit, là. Mais moi, Chaland, je le connaissais juste de nom parce que il avait déjà passé proche. Bon, toi, tu m'as dit qu'il l'a finalement fait. J'ai jamais vu l'album en tant que tel, mais il est déjà passé proche. Il a fait un Spirou après Fournier. Il n'est pas fini. Il a fait une longue histoire de Spirou qui était. Parce qu'à l'époque, après Franquin, on était à la recherche d'un remplaçant. Ah, et... c'est après Franquin qu'il l'aurait fait, après Fournier, OK. Non, en fait, après Franquin, il y a eu, il fallait des remplaçants et il y avait toutes sortes de tests se sont faits, genre, on demandait à des auteurs de raconter une histoire de Spirou, mm-hmm. et à partir de là, on donnait le contrat. Et Chaland a accepté de faire l'histoire, mais quand est arrivé le temps, les contraintes du journal, parce que bon, Spirou est un personnage avec des contraintes, là, mm-hmm. comme Disney passe pas, c'est... Alors, Chaland a comme refusé, il s'est consacré à un moment donné. Mais Chaland n'avait pas que la BD, c'était quelqu'un qui faisait du graphisme, des affiches. Okay. Il était dans des revues de musique. Il faisait des affiches pour la musique, pour le cinéma et tous ces trucs-là. Dans Métal Hurlant, il tenait des chroniques. C'était un artiste polyvalent. La BD, il s'amusait là, à Freddy Lombard. Et quand il s'est lancé dans Freddy Lombard, à créer les deux premiers Freddy Lombard sont deux histoires courtes. D'ailleurs, j'étais un peu surpris de voir c'était les humanoïdes associés justement à l'époque. À cause de Métal Hurlant. Ouais, c'est ça. Mais je m'attendais, tu sais, quand j'ai vu le style, je m'attendais Dupuis ou. Voilà. Alors, chez Chaland, c'est le décalage. Ouais. Oh, ben, parce que ce qu'il a à raconter, il choisit. Au début, sa parodie c'était ça. Ouais, le jeune Albert était un hommage à Quick et Flouk. Mm-hmm. Les deux voyous de Hergé, Jean Brugel, ouais. Mais le jeune Albert était ça, mais ses coups étaient pendables, là. Je veux dire, c'était pas une punition qui méritait le jeune Albert, c'était la prison, là. Mais pour lui, il s'amusait au décalage puis à être irrévérencieux. Mais avec Freddy Lombard, le décalage devient juste genre visuel et. Adulte. Mais le F-52, là, n'importe qui pense que la bande dessinée, c'est juste pour les gamins, ont clairement pas lu cet album-là. Là. Voilà. Écoute, l'album commence. Bon, au début, j'étais là, OK, ça a l'air un peu vieillot. Tu sais, il respecte vraiment, en dehors de la grandeur des cases, il respecte vraiment le style Linklater très, très pur. La première page, c'est une page de Tintin. Ouais, là. Ouais, c'est ça, exactement. C'est indéniable. La demi-page avec l'avion, les commentaires. En fait, tout comme Hergé, pour nous introduire dans l'histoire, il se sert de personnages banals, c'est-à-dire un présentateur télé ou radio qui décrit le F-52. Et là, ça nous introduit. Ah, voici dans quoi tu t'embarques. Et voilà, c'est Hergé. Puis là, on a une graine d'histoire. On se dit, ah, ça va être ça l'histoire. Oui. Et c'est sublime, on va vraiment vers autre chose. Je veux rien révéler, mais j'ai eu exactement la même expérience, en fait, parce que j'avais pas lu non plus F-52. Puis, après quelques pages, j'ai remarqué où j'ai l'impression... J'ai du malaise à me demander. J'ai l'impression de lire comme un faux Hergé ou un... Voilà, un, en fait... Mais il nous mène en bateau. Ça revient au décalage dont tu parlais, dans le fond. Et puis, avec une finale absolument grandiose. Ah, sérieusement, cet album-là, c'est un coup de maître. En fait, l'effet que ça fait, et vous me direz si ça, vous avez eu la même sensation, c'est que à la lecture, évidemment, le début, on se dit « Ah, OK, ça me rappelle des choses chez Hergé. Ça me rappelle des trucs. » Et là, on embarque dans le... Et là, le scénario devient deux ou trois scénarios parallèles. Freddy Lombard et ses amis subissent des harcèlements du côté de leur boss dans l'avion. En fait, le F-51 est un avion intercontinental méga moderne, méga propulsé. En fait, il y a une critique sociale là-dedans. Ouais, là, aussi, mais bon, en arrière, le F-52 est quand même présent. Et Freddy Lombard et ses amis vont travailler sur l'appareil comme steward, barman et tout ça. Alors, eux sont harcelés. Il y a deux familles. Dans le cas d'ailleurs de la jeune fille, je m'excuse, je fais la parenthèse parce que je trouve que c'est dans l'air du temps, mais dans le cas de la jeune fille, il y a un cas de MeToo, là, carrément. On est au début des années 90, j'ai fait comme, OK, finalement. Mais même dans les autres albums, à lire La Comète de Carthage et ça, pour l'aspect féministe et tout, droit de la femme, là, à lire aussi. Ouais. Mais c'est ça. Alors, ces trois scénarios-là, à la fin, l'effet que ça fait, c'est que ce qu'on nous avait introduit d'abord, on le conclut, là. À la fin, on le conclut, là, la petite histoire qu'on se dit, ah, oh, ça va être ça. Non, on la conclut, mais elle n'a plus d'importance. Oui, tout à fait. Ouais, et c'est ça, ça nous ramène à un truc ailleurs. Genre, le truc, l'aspect politico-espionnage, machin, quelque chose, qu'on nous prépare, puis qu'on se dit, ah, OK, et c'est pas ça. Puis à la fin, ça, tu sais, le monde politique dramatique que vit non, ça n'a plus d'importance, car le drame qu'on nous a fait vivre dans, avec l'histoire principale, le drame qu'on nous a fait vivre, et il fait cela. Particulièrement intense, ouais, tout à fait. Malaisant, même par moment. Oui. Et tout ça dans le style, à la style Tintin. Tu me fais penser, d'ailleurs, parce que tu soulèves des trucs en disant ça. L'album est facile à lire, somme toute. Ah oui. Il y a plusieurs lignes narratives, mais ça me fait penser des gens qui. Parce que moi, c'est un commentaire que j'entendais souvent quand j'étais encore libraire, puis vous devez l'avoir entendu souvent. Ah, la bande dessinée, c'est facile. Okay? Ouais. Mais au bout du compte, un, il a écrit une histoire complexe qu'on arrive malgré tout à suivre. Puis au niveau de son dessin, il se promène beaucoup à l'intérieur de l'avion. On arrive toujours à répertorier avec le dessin, on est où, on n'est jamais perdu. Ça fait sens, la manière dont les gens se promènent. C'est pas rien, ça, non plus. Là. J'aime bien aussi parce que justement bon tu parles de cette espèce de stéréotype, bon moi qui ai travaillé beaucoup du côté du manga, c'est omniprésent, oui, vrai, même beaucoup, hein. Mais puis j'aimerais faire faire la tête de pont avec le Poussin, avec Théodore Poussin, oui, parce que c'est, je pense, en tout cas moi ce qui m'a frappé, ce qui m'a émerveillé, parce que oui, bon, on dit c'est du Tintin pour adultes, mais même un jeune peut avoir du fun à lire ça, mais c'est l'érudition. C'est, on n'a pas besoin d'un glossaire à la fin, on n'a pas besoin d'une note pour vous expliquer c'est qui Baudelaire, puis c'est qui le. Non, on va vous présenter tout ça avec. Et je trouve que c'est justement un beau testament à l'intelligence de la BD. On tombe toujours justement dans l'idée que bon, ça va être un petit scénario facile, une blague par page, des choses comme ça. Alors que là, écoute, c'est Singapour, c'est ça, c'est la poésie, c'est toutes les pièces du bateau. Les officiers qui discutent entre eux. Mais on voit clairement que dans Poussin, l'auteur a lu ses classiques parce qu'il respecte même certains registres. Ça, moi, ça m'a donné l'effet. C'est un Corto Maltese de ligne claire. Tout à fait. Non, mais... Là-dessus, je te rejoins, en fait, parce que veux pas, on prend jamais le temps de nous dire voici la situation géopolitique. Non, on nous le montre, puis on nous le fait vivre, puis on nous met dedans. Exactement. Tu comprends par l'expérience. Exactement. Et là-dedans, c'est parce que des fois, ce qui m'agace un peu, exemple Hergé ou autre, c'est des paraphes, des monstres de texte, des fois un peu trop de dialogue, et là-dedans, il y aurait eu potentiel pour un scénariste moindre, peut-être, justement, de contextualiser, mais on accepte, on prend à partie que notre lecteur est intelligent et qu'il y a une base de connaissances, de culture générale. Même si je ferais lire à un jeune qui n'a pas cette culture-là, il y a assez d'éléments expérientiels pour réussir à bien saisir l'état de situation, puis à réussir l'émotion qu'on ressent face à une guerre, face à la pauvreté, Ce qu'a réussi Franck Le Gall avec Théodore Poussin, et ça, et c'est pour ça que cette série-là, pour moi, est une des plus importantes de la bande dessinée, c'est une de mes préférées, parce que Hergé avait créé le visage de Tintin pour qu'on s'identifie à lui. Mais Hergé, Tintin, Tintin reste le héros. Quand même, il y a quand même une distance. Mm-hmm. Pas Théodore Poussin. Théodore Poussin, il n'y a aucune distance. Nous sommes Théodore Poussin. Nous sommes le petit commis qui travaille dans le bureau, qui a envie de voyager. Et quand tu dis il se passe des trucs à Singapour à cette époque-là, à cette année-là, on le sait pas. Nous, on le saurait pas, mais on le verrait. Théodore Poussin, il le voit, il le constate. Mais il n'y a pas d'incidence sur ce qui se passe. Non, parce qu'il veut revenir à la maison. Et tout ça, ça raconte que ça. Théodore Poussin veut revenir à la maison. Et l'aventure va être provoquée par M. Novembre, ce personnage qui met bâton dans les roues. L'aventure, c'est pas Tintin qui a fait un reportage, part en Afrique. Non. Théodore Poussin, il voulait juste voir du pays. Ouais. Et il se débarque à Singapour et il est coupé du monde. Et là, il faut qu'il revienne. Et il devient pas un héros. C'est Novembre qui fait de lui un héros en y provoquant des aventures. Alors, c'est nous, c'est Monsieur Novembre, c'est à nous qui provoque les aventures. Et Théodore Poussin, on est comme lui, on est lui, c'est-à-dire on subit les choses, on les voit. Et si Le Gall ne nous explique pas qu'est-ce qui se passe à Singapour, c'est parce que nous, on n'a pas... Ça ne nous intéresse pas, on veut retourner à la maison. Et à chacun des albums, c'est comme ça. Et à chaque fois... poussin est comme relégué au lecteur. Ouais. Poussin, ouais. C'est le lecteur. Je pense la fameuse scène du train là où ouais, voilà, ouais, train, c'est choquant. Train, hey, c'est bon, oh, le train n'arrête pas, non, il respecte les arrêts, mais je veux dire, c'est tout ça. Quelqu'un qui a étudié un peu là-dessus, qui en a un peu d'espoir, va comprendre toute l'injustice, mais tout le contexte. Mais on a, comme disait Raymond, on n'a pas besoin de ça. On n'importe qui peut comprendre l'injustice flagrante qui est en train de se passer là, puis le détachement de l'Européen face à ça. C'est porte d'entrée vers l'histoire. Et ça, malgré le style pseudo-humoristique, ça n'a pas besoin d'être un style ultra-réaliste, puis on le sent pareil, hein, comme ça se dessine. Oh, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais ouais, non, le mot de la fin sur ce premier thème, en fait, je ne sais pas si de votre côté, en fait, les conclusions qu'on lancerait à Marco, de mon côté, en fait, Théâtre de Poussin est vraiment une découverte de mon côté. J'avais pas lu cette série-là du tout. Et vraiment, en fait, j'ai aimé l'ambiance, justement, le côté observation, le côté lecteur intelligent et langue politique aussi qu'on retrouvait dans le Bravo. J'ai trouvé intéressant parce que ça ajoute une couche d'interprétation, d'analyse et de compréhension à la ligne classe. Ce serait peut-être un peu ce que je retiens de mon côté. Jérôme Édouard. Pour ma part, j'ai adoré. Ça a été une découverte pour, comme je dis, pour la plupart des albums. Ce que j'aurais hâte de voir pour l'avenir, avec dans la foulée de Dire Cross et tout, c'est voir la ligne claire sortir de la pièce historique, de la pièce du passé, parce qu'à chaque fois vous remarquez les quatre, c'est toujours ça. Et est-ce qu'on va vers un sci-fi en ligne claire un jour? Qui sait? Jérôme? En 20 secondes. En 20 secondes. Écoute, moi, ça a été des découvertes pour la plupart. Le seul que je connaissais là-dedans, c'était les Émile Bravo. Quoi que j'avais déjà lu du Poussin, j'avais pas lu cet album-là. Mais, mon Dieu, avec les choix que Marco a fait, c'est de montrer à quel point, effectivement, malgré que c'est un style qui date déjà depuis Hergé, il vieillit super bien grâce à des auteurs qui continuent à s'intéresser au thème de l'actualité, là, vraiment d'une manière palpitante. Là. Alors, ben Marco Duchesne, merci beaucoup pour la sélection du premier club de lecture. Faire plaisir. Édouard Tremblay, Jérôme Vermette, merci pour votre participation à ce premier club de lecture. Un plaisir, mon cher ami. Et Édouard et Marco, on vous retrouve chez Pantoute. D'ailleurs, on peut le mentionner au passage. On veut poursuivre le dialogue avec vous. Et c'est Raymond Poirier au micro. Je vous souhaite une excellente semaine, une excellente deux semaines, d'ailleurs, sur CKRL 89.1. L'émission prend une pause la semaine prochaine. Ce sera la gang de E égale RG2 qui prendra le relève. Et nous, on se retrouve le 12 avec, entre autres, Francis Desharnais qui sera avec nous. Alors, c'est un rendez-vous. Passez une excellente semaine sur les ondes du 89.1 CKRL.